Yeah, ONZE. Je suis caporal lyrical, chef au quartier général. Mes troupes sont en place, munies de munitions et arsenal de vocabulaire. Chargé à bloc sur des galères, signé gendarmerie loyale du troisième millénaire. ONZE, je lance le signal de départ. Alors mes mots rejoignent leur poste et certains se séparent. Camouflage et maquillage, entend des embuscades. Les vocables automatiques explosent comme des grenades. Et la fierté qui pousse mes soldats à être prêts à faire face à des confrontations. Presque à chaque fois qu'ils sont dictés, propulsés sur un MIC évité. Les pièges et sortilèges passés par des guerriers entêtés. Toujours la même rengaine, discorde en dégaine. Une fausse scène suivie d'une engueulade à la tyrolienne. C'est moi qui prends les commandes et distribue les amendes. Je signe les ententes, envers moi n'ai aucune attente. Je fais exploser plus de bombes que B-52. Rien à foutre de vivre, pour moi la vie c'est mourir heureux. Multiples personnalités afin de déjouer l'atmosphère. Une sorte de kamikaze, aux tendances parfois suicidaires. Le calvaire, les rois de tous ces vers entrelacés. Car trop de fois c'est mon pare-balles qui a été foudroyé. Je respecte mes ennemis et me méfie de mes amis. Alors réfléchis et subis si tu n'es pas de mon avis. Reflète la splendeur des orages que j'amène. Signature du 11e ordre. Chacun son coin, sa merde et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Keep an eye on your enemy. Chacun son coin, sa merde et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure. Surveille mon entreprise. Keep an eye on your enemies. Listen close, feel this. Recognize the realness. It's useless to wanna test this. There's no stopping us. Vandalous, QC, lyrical murderers. Got you with the rusty knife. You call the verbal tetanus. Effects wasn't serious shit. When we talk, it's for a purpose. Nowadays, too many bogus MCs spinning that nonsense. Too much resemblance, lesser originality. In this rap industry, we're in it for longevity. Spiritual entity roaming the earth with motivity. And consciously aware on everything surrounding me. My inner eye open perpetually. I see that technology. You wanna drown me, but I'ma let you know it's over. You imposter, backstabbing Judas motherfucker. Your schemes are flagrant to me now. It's just how the way things go, yo. Stop your bullshit and just quit, or you be laying on your casket. You out in that shit, you on some next shit. Or you stay there retarded, thinking about some hustle and invisible projects. Stop dreaming, kid, get up, get out, and start searching the way. 99, living the last day. Chacun son coin, son joint, et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref, chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure et garde l'œil ouvert. Keep an eye on your enemy. Chacun son coin, son joint, et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref, chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure. Surveille nos arrières. And keep an eye on your enemy. Et on vit tous sur cette même terre, partage un même univers. Et qui sévère, ayant le gémeau mon persévère. Dans cette vie qui s'avère sévère. On est des mercenaires solitaires, des militaires. S'il faut faire la guerre pour avoir la paix, on est prêt à rester en paix, risquer l'incarcération. Sinon c'est sans cache d'irrespect. Trahison, rébellion, ça. Sabotage, me dirige, jalousie. Derrière les masques de l'hypocrisie, la crise est tous à table affamés, de fame et de gloire. D'espoir, de pouvoir et de victoire. Compétition féroce, force à exceller et accélérer. Seul service sera le premier arrivé, y'a pas de prix de consolation. Désolation, sans pas les seconds. Vise d'abandon l'isolation. Utilisation de moyens plutôt malsains. Civilisation en déclin comme l'empire américain. Et le pire c'est demain. Futur n'est pas si loin, 3e millénaire. Les technologies règlent toujours rien, les jeunes n'ont faim. Et ce qu'ils veulent, c'est pas des miettes de pain, tu le sais bien. Ils veulent un festin pour destin, c'est l'instinct. J'en sais le naturel et il revient au galop. Leur désir un avenir, c'est pas trop beau. À l'horizon, les prévisions sont sombres. Déluge de larmes, des pluies de sang et morts en grand. Chacun son coin, sa merde et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref, chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Keep an eye on your enemy. Chacun son coin, sa merde et chacun son foin. À chacun sa propre face, bref chacun sa place. Les temps sont durs, sûrs, seulement on endure. Sauver mon entreprise. And keep an eye on your enemy.